On va parler du repêchage de la Ligue nationale de football. Évidemment, la nouvelle du jour, c'est Patrick Roy, mais il y a quand même une autre grosse nouvelle. Ça va avoir lieu à Dallas cette année. C'est le repêchage que vous pourrez voir sur Fox et également sur RDS2 et aussi sur TSN. On va parler avec Alexandre Gauthier. Salut, Alex. Salut, Danny. Alex, c'est la première fois en passant de mémoire là, que le repêchage est présenté sur un des grands réseaux américains. La première ronde. D'habitude, c'était toujours sur ESPN, mais c'est Fox cette année qui a les droits. Écoute, tu me l'apprends parce que je m'étais pas renseigné à ce niveau-là, mais une chose est sûre, ça correspond à, c'est pas compliqué, là. C'est la hausse des codes d'écoute du Ouais. repêchage d'année en année qui entraîne ça. Et aussi, ça fait partie du package deal que la NFL a pu négocier avec Fox, là, concernant les jeudis soirs, les matchs de jeudi soir aussi. Ça fait que tu me l'apprends, mais peu importe le poste, je serai à l'écoute ce soir. Effectivement. Donc là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. On sait, j'en parle souvent avec avec Marc Diquet, même avec Pascal Masson pour la Ligue canadienne de football. Il y a pas de corps arrière. C'est incroyable, pareil, comment dans le football professionnel, et j'ai inclus la Ligue canadienne de football, comment il n'y a pas de corps arrière. Et là, cette année, il y en a quatre, peut-être même cinq qui vont sortir en première ronde. C'est quand même quelque chose de spécial, là. Tu dis 5 et ça me surprendrait pas qu'on finisse à 6, Danny. OK. Pour ça serait probablement un record, là. Je pense que c'est Ben depuis même 1900. les années de c'est quoi? C'est les années de Eli Manning, Ouais, 2004 avec Fever. 2004, t'as eu 83 qui a été une grosse année. Marino qui Et toujours à ces années-là, effectivement, allait. là, Oui. les années 83, mais tout ça, mais je pense que cette année, en termes de nombre, on va sans doute atteindre ce nombre-là. 5, certainement, peut-être 6, mais en termes de qualité, tu retrouveras pas probablement là le parce qu'à chaque année, on dit toujours, ah, ça va être une classe comme 83, comme 2004. Écoutez, là, s'il y en arrive une fois aux 20 ans là, de cette classe-là, et je pense pas qu'on est rendu, je pense pas qu'on est rendu là avec les prospects du moins qu'on a cette année. Il y en a plusieurs, mais je pense pas qu'il y a de Hall of Fame ou de temple de la renommée là-dedans. OK. Donc là, ESPN avance ce matin Oui. que Baker Mayfield sera le premier choix. Baker Mayfield, c'est un quart de Oklahoma. C'est le gagnant du trophée Heisman en passant. Et beaucoup disent que c'est un offset en français, c'est un coup de dé. Pourquoi? Parce que c'est un quart qui est, si je ne m'abuse, qui fait 6 et 1, si je ne m'abuse, quelque chose de même. Et moi, je lisais les observateurs qui disaient qu'il compare beaucoup à Russell Wilson. Par contre, c'est sa stature qui inquiète les dépisteurs. Mais les Browns de Cleveland, ils vont encore avec quelque chose de. Si c'est Mayfield, ils prennent un certain risque. Puis des fois, on comprend pourquoi que les Browns montent jamais. C'est quand on Écoute, regarde ça. Quand on ouais. regarde ça. Je vais te remettre ça en contexte, Daniel. Ouais. Première des choses, je trouve ça drôle, moi, les médias qui disent que ça semble être Baker Mayfield, parce que le directeur général des Browns, qui est le nouveau directeur général, Ouais. John Dorsey, a dit qu'il n'avait dit à personne quel était son choix. Son choix est fait. Il l'a même pas dit à sa femme, tellement Ouais. qu'il voulait garder ça Un secret, peu. et que son staff le sait pas. Donc, comment ça se fait qu'il y a des rumeurs, Mais qui c'est font en sorte. ESPN, c'est pas. Ouais, non, je sais pas, c'est pas qu'ESPN, je n'ai lu plusieurs des rumeurs à cet effet-là. Donc, OK. mais admettons que c'est Baker Mayfield, OK? Ouais. Je vais te poser la question suivante. Toi, Danny, si tu faisais le repêchage de l'année de Russell Wilson, est-ce que Russell Wilson serait un choix de troisième ronde ou il serait dans le top 5? Il est dans le top 5. C'est la stature. Donc, C'est comme Drew Brees. C'est la même affaire oui. que Drew Brees. Il est sorti en deuxième ronde. Oui, mais on parlait de ça, là, 6 ans, quand c'était le repêchage de Wilson, on disait, il est Ouais. sorti en troisième ronde à cause de sa stature. Mais aujourd'hui, il serait repêché dans le top 5, probablement même le top 1, le Ouais. top 3, du moins dans le top 3. Ouais. Donc, la question, c'est, est-ce que Baker Mayfield est assez grand? Il est plus grand un peu, hein, en passant que Wilson. Il Wilson est est à 5 quelques et pouces. 11, je pense. Ouais, il est quelques pouces plus grand, quelques Ouais. centimètres de plus que Wilson. Il est à 6 pieds 7-8, là, si je me rappelle bien. Donc, presque 6 pieds 1. Ouais. Est-ce qu'on en parlerait? Non, c'est le talent qui doit parler. Tu vas me dire, repêcher un corps arrière au premier rang qui est moins de 6 pieds, qui est moins de 6 pieds 1, c'est effectivement, ça serait la première fois de l'histoire, probablement, mais il y a une première fois à tout. Moi, si tu y vas sur le talent, Danny, si tu y vas sur le potentiel d'être un joueur vedette, parce que quand tu repêches un joueur au premier rang, tu t'attends à ce qu'il soit un joueur All-Pro dès les premières saisons. Non. La réponse, c'est que le seul là-dedans que je vois qui peut être une super vedette dans cette ligue-là, c'est Baker Mayfield. C'est le seul que j'ai vraiment étudié les films parce qu'il était intriguant comme prospect et j'ai regardé ses films et force est d'admettre que c'est lui qui ressemble le plus effectivement à Russell Wilson. OK. Puis c'est le talent de leadership aussi qu'on parle beaucoup aussi, là. Oui, ben effectivement, c'est un gars qui a toute la personnalité pour être une superstar, qui a tout le leadership pour être un bon corps arrière dans le huddle, dans le caucus, là, je m'excuse le terme anglais, dans le caucus. Donc, il a toutes les qualités pour être une superstar. Maintenant, j'aimerais mieux qu'il soit 6 pieds 3. Tu as tout à fait raison, Danny, mais des fois, le facteur, il appelle ça en anglais le « hit factor ». Tu l'as-tu ou tu l'as pas? Ben lui, il l'a. Le hit factor. Effectivement. Là, je suis sur NFL.com en même temps que je te parle. On dit que là, je suis sur un journaliste, c'est Daniel Jeremiah qui a fait son mock draft aujourd'hui. Lui, il pense que Charquin Barkley de Penn State, qu'on dit que c'est une grande vedette, c'est un porteur de ballon, lui devrait sortir en deuxième par les Giants de New York. D'accord? Pas d'accord. Ben, moi, je pense que le fait que Eli Manning soit au camp d'entraînement au pré-camp des Giants actuellement et que tous les signaux indiquent que l'entraîneur est très à l'aise avec un gars de 37 ans comme carrière, moi, je pense que les Giants, effectivement, vont aller pour le meilleur joueur disponible, mais je n'exclurais pas. Parce que, oublie pas une chose, Danny, si Baker Mayfield est vraiment le choix des Browns, il pourrait avoir une cascade d'échanges pour aller ramasser Sam Darnold, qui est vu comme de USC, qui est vu le corps le plus, si tu me permets l'expression, le plus safe d'entre tous, ou en tout cas le meilleur espoir dans les carrières, même si je partage pas cet avis-là. Donc, les Giants auront le choix entre échanger pour prendre un choix plus bas ou prendre le meilleur joueur disponible. J'ai un peu de difficulté, Danny, à repêcher un porteur de ballon aussitôt que le deuxième rang. Parce que pour moi, un porteur de ballon, tu peux trouver ça en deuxième, en troisième ronde, un excellent. Je disais la même chose de Fournette l'année passée. C'est un peu les gardiens. Oui, c'est ça. Les Jaguars ont repêché Fournette au quatrième rang cette année. C'est pas été un mauvais choix. Mais la durée de vie, la durée de la carrière des porteurs de ballon fait en sorte que je trouve que c'est trop de bonheur à repêcher ça dans le top 5. Mais bon, ceci étant dit, Barkley est un talent générationnel que tout le monde dit. Puis moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Il suffit de le regarder jouer, mais je trouve ça trop haut pour le repêcher au deuxième rang. OK. Rosen partirait avec les Jets de New York. Les Jets, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un bon carrière de mémoire. Oui. Donc, non, c'est pas Rosen, c'est Darnold qui partirait finalement avec les Jets de New York selon le mock draft. Lui, troisième. Écoute, les Jets, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de... Écoute, te rappelles-tu d'un bon corps à New York? Testaverde n'était pas mauvais. Il était pas mauvais. T'avais Richard Todd. Je sais pas si tu te rappelles de Richard Todd. C'est vrai qu'il y a eu Chad Bennington qui n'a pas été un mauvais corps. Mais c'est pour ça, Danny, je m'excuse, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut surveiller. Si Baker Mayfield qui part en premier, on sait très bien que les Jets, eux autres, ont échangé leur choix avec celui des Colts pour aller chercher un corps arrière. Donc, tout le monde sait que les Jets vont repêcher le corps arrière, le meilleur disponible après Mayfield. Et c'est là que quelqu'un pourra aller doubler les Jets et aller échanger le choix avec les Giants pour être sûr de ramasser Darnold parce que tout le monde pensait qu'il allait partir avec Cleveland. Tu comprends-tu le jeu de domino qui risque de se passer? Ce soir, le jeu de domino risque d'être formidable. OK. Quatrième, et ça, c'est l'énigme du repêchage. Stéphane Cadorette, qu'on parle de temps en temps, lui, hier, il se posait la question même si Josh Allen de Wyoming pourrait être le tout premier choix au repêchage. Lui, écoute, le fait qu'il joue à Wyoming, c'est une petite université, ça peut jouer contre lui. Non, c'est pas ça. Il y a eu des corps arrière. Regarde, David Carr, il a joué à Fresno State. Personne ne s'intéresse à Fresno State dans la vie. C'est une division 1, puis c'est une petite université. Donc, ça va pas à ça. Moi, je pense que Josh Allen, tout le monde l'aime parce qu'il est gros, il est fort, puis il a un bras d'enfer, OK? Il a un bras comme ça s'est pas vu depuis les 5 ou 6 dernières années. En fait, ça s'est pas vu depuis Jamarcus Russell, ce bras-là. Pas fort, là. Justement, tu viens de répondre à la question. Moi, je ne toucherais pas à Josh Allen avec une perche de 20 pieds si j'étais un directeur général. C'est quelqu'un qui a eu de la misère à compléter 55% de ses passes dans une université. C'est vrai que son système de jeu ne l'avantageait pas, mais c'est pas un gars qui est très précis. Et pour moi, la mobilité, la grandeur et le bras ne font pas un grand carrière automatiquement. Ça fait un bon athlète, mais pas un grand carrière. OK, donc il y a 6 carrières qui devraient normalement sortir. On dit quoi? On a dit que les Bills devraient être actifs de ce côté-là également, les carrières, parce que les autres ont Jim McCarron, qui va avoir enfin sa chance comme carrière numéro 1. Par contre, dans le cas de McCarron, ça reste quand même un point d'interrogation. Donc, je ne serais pas surpris de voir les Bills repêcher un carrière. Dans les équipes qui pourraient... Mais je peux-tu juste te dire aussi, personne n'en parle, là. Je vais te faire une petite prédiction, là. Ouais. Il y a les Saints de la Nouvelle-Orléans. Si ils ont l'occasion, les Saints, d'échanger pour un choix un petit peu plus tôt, ça ne surprendrait pas que les Saints se lancent dans la bataille, surtout si il y a certains corps qui commencent à glisser de quelques rangs. Porte une attention particulière aux Saints, on s'en reparlera après le repêchage. OK. Dans les équipes qui pourraient s'avancer, qui pourraient reculer, qui tu vois? Ben, les Saints, c'est une bonne... les Packers, moi je pense que les Packers de Green Bay ont changé de directeur général et les Packers ont perdu quand même quelques éléments au cours de l'entre-saison. Et le fait d'avoir changé de directeur général, je pense qu'il a changé de philosophie. Et il y a des joueurs... Écoute, si tu prends 6... Admettons que tu prends 6 carrières dans les 20 premiers d'année. Automatiquement, les équipes de 20 à 30, ils vont se retrouver avec des choix, d'excellents joueurs, OK? Des joueurs, tu sais, à place d'avoir le troisième receveur de passe, il faut peut-être avoir le loisir de repêcher le deuxième meilleur receveur de passe, et ainsi de suite. Ça fait que ça risque, le fait d'avoir 6 corps arrière, ça va faire bouger des équipes plus haut pour aller atteindre les corps arrière, mais ça risque aussi de faire descendre certaines équipes plus bas qui n'ont pas besoin de corps arrière et qui vont descendre un petit peu plus bas, reculer dans le repêchage pour être sûr de toute façon d'avoir un bon joueur et d'amasser un ou deux choix de plus. Alors, tu regarderas ça, les équipes qui risquent plus de d'échanger pour aller plus bas, ce sont les équipes qui n'ont pas besoin de corps arrière, alors ça risque d'être intéressant à ce niveau-là. J'ai hâte de voir les Pats, parce que Tom Brady, est à sa... possiblement sa dernière année, ça a été lent, Tom Brady, avant de confirmer qu'il va être de retour. Ouais. Il a changé Jimmy Garoppolo, t'es pris avec Brian Hoyer. Est-ce que tu penses que... Là, on dit sur le même mock draft que je suis que Lamar Jackson de Louisville pourrait être un choix, le choix des Pats. Ça serait mon cauchemar, Danny. Mon cauchemar, parce que tu sais comment je connais des Pats. Lamar Jackson, c'est mon corps arrière numéro 3 au repêchage. Je vais te dire une chose. J'adore ce joueur-là. Il a besoin peut-être d'une année d'une année de préparation. Je pense pas qu'il soit prêt à jouer maintenant, mais je pense que c'est une version un peu moins peaufinée que Deshaun Watson qui a été repêché cette année. Juste un peu moins peaufinée, mais dans le même type. C'est des joueurs avec des potentiels de super vedettes et j'espère pas que les Patriots ont l'occasion de le repêcher. Moi, j'espère. Donc, les Pats qui parlent deux fois, 23 puis au 31e. Alexandre, as-tu autre chose à ajouter avant de terminer puis on va s'en reparler lundi pour l'analyse du repêchage? Non, mais écoute, je pense qu'on a fait quand même le portrait. Moi, je te fais deux prédictions. Là. Le 6 corps arrière, là, ça ne me surprendrait pas. Je ne mettrais pas ma maison là-dessus, mais je mettrais certainement un vieux 2. Et j'irais également avec le fait que les Saints vont faire partie des équipes qui vont s'avancer pour se repêcher. Un corps arrière, ça, c'est ma deuxième prédiction. Comme ça, tu pourras me taper ses doigts quand on va se reparler en début de semaine prochaine. Alex, on se reparle lundi pour les gagnants et les perdants du repêchage, comme les analyses ont été faites. Au plaisir. Salut. Notre chum Alexandre Gauthier.